إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ceci est le troisième cours dans le Tawhid. Sur le livre Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Je m'excuse pour le cours de la dernière fois, la fin du deuxième cours, pour des problèmes techniques à la fin, la doura de la fin a été coupée. Donc c'est pour ça que ça a pu vous paraître bizarre. C'est durant le montage, j'ai eu un problème. Inch'Allah, qadrullahu masha'a fa'al. Donc voilà, nous étions sur le deuxième fondement parmi les trois fondements que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a cité. Et ces trois fondements, en fin de compte, sont les trois réponses que tout être humain et djinni doit répondre dans sa tombe à l'heure actuelle. Quand je dis à l'heure actuelle, parce que dans une des trois réponses, il faut répondre que notre prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne, c'était Isa alayhi salam, et avant Isa, d'autres prophètes. Donc voilà, nous sommes donc à cette deuxième réponse que nous devons répondre, et nous demandons à Allah azzawajal de nous affermir dans la tombe, à répondre par ces trois réponses, et à nous affermir dans cette vie dunya sur la shahada, sur la ilaha illallah, Mohammed rasulullah. Donc je vous répète le deuxième fondement. Et si on te dit quelle est ta religion, فقول, alors dis, ديني الإسلام, ma religion est l'islam. وهو الاستسلام لله بالتوحيد, et c'est le fait de se soumettre, comme je l'ai dit, de se rendre à Allah avec le tawhid, c'est-à-dire avec le monothéisme, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer dans l'adoration. Et donc le fait de suivre, d'accord, c'est-à-dire d'obéir à lui, là-haut, donc de lui obéir, par l'obéissance du corps, bien sûr. Et nous sommes arrêtés ici, et nous allons donner une petite explication, inshallah, de cette partie qui est très importante et qui va revenir dans les épîtres dans lesquels on va étudier, notamment dans l'épître qui arrive juste après, inshallah. Et le désaveu du shirk, donc le fait d'associer à Allah Azzawajal des choses, des personnes, des anges ou autres dans l'adoration, donc se désavouer de tout shirk, et de ces gens, et des gens du shirk. Il ne faut pas seulement se désavouer du shirk, du kufr, mais il faut aussi obligatoirement se désavouer, s'innocenter, des gens du shirk et du kufr, des mouchrikoun, des associateurs, des kafiroun, des kuffars, des mécréants, de toutes sortes de mécréants qu'ils soient, que ce soit des mécréants d'origine comme les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les athées et autres religions de la mécréance, ou des mécréants qui ne sont pas d'origine, entre guillemets, qu'on appelle les murtadoun, ceux qui sont les apostats, ceux qui se prétendent toujours musulmans, ou qu'ils étaient musulmans, et après ce sont des avoués de l'islam, ou qui se prétendent toujours musulmans, mais qui font un kufr, et que ce kufr-là est attesté sur eux, et qui sont kafirs par rapport à ce kufr. Nous allons d'ailleurs étudier ceci dans ce qu'on appelle le takfir et les règles du takfir, inshallah. Oui, il faut se désavouer du shirk et de ces gens du kufr et de ces gens des gens du kufr. Comme je dis dans le dernier cours, il y a des personnes dans notre communauté qui commencent à dire moi, je déteste le kufr, la mécréance, le shirk qui est dans cette personne, mais je ne déteste pas cette personne, je ne m'innocente pas de cette personne, je ne me désavoue pas de cette personne. Ceci est une grave erreur, c'est un péché. Et oui, il faut se désavouer des mécréants. Il faut s'innocenter des mécréants. La preuve, eh ben, par le Coran, tout simplement. Comme je l'ai dit la première ou le deuxième, je veux rester. Et il y a beaucoup dans ce sens. Allah Azzawajal dit wa ma khalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah. Donc Allah Azzawajal a dit wa ma khalaftum fihi min shay, d'accord, dans lequel vous divergez, fa hukmuhu ila, sans que son sa loi, sa sentence revient à Allah. C'est-à-dire que quand des musulmans, mais ceci est aussi valable avant tout pour tout être humain, c'est-à-dire que quand des êtres humains sont en divergence, ils doivent revenir à Allah, à Dieu, avec des majuscules, dans leur divergence. C'est-à-dire que si on diverge, nous, musulmans, et les mécréants tels que chrétiens ou autres, c'est Allah qui doit être notre référence. Et encore plus si on diverge entre musulmans. Donc si un musulman vient me dire qu'il ne se désavoue pas des mécréants, mais seulement de la mécréance qui est en eux, je lui dis... Eh bien, tu es musulman, c'est très bien. Nous allons mettre cette divergence devant le kitab, devant le livre d'Allah Azzawajal. Et nous allons voir ce que dit Allah Azzawajal sur ceci. Et tu vas apporter tes arguments. Donc, nous rentrons dans la sourate Al-Mumtahina, ou on l'appelle aussi Al-Mumtahina, Al-Mumtahana Bilfatr. Soit c'est un isme faril ou soit c'est un isme mafoul. Ça dépend, je ne vais pas rentrer dans ce problème de la nomination de cette sourate. Donc, vous la nommez Al-Mumtahina ou Al-Mumtahana. D'accord ? Dans le verset numéro 4, je vais vous donner le numéro de cette sourate, Inch'Allah, je vais le trouver, j'arrive dans la table des matières. Alors, excusez-moi, j'ai un Mousraf en arabe, ça c'est en 50. C'est la sourate numéro 60, le verset numéro 4. On va dire un verset qui est très explicite et qui est en fin de compte, dans ce verset, il y a en elle-même cette règle que l'on appelle Al-Wala ou Al-Bara. Al-Wala ou Al-Bara. Al-Wala, donc c'est l'alliance, ou Al-Bara, c'est le désaveu, s'innocenter. Al-Bara. Soit vous mettez un Tamabouta ou un Hamza à la fin. Al-Bara à tout ou Al-Bara ou seulement. Donc voici ce verset. Donc Allah Azza wa Jal a dit. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ. Je vous traduis. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ. Il y a certes pour vous. أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Un bon exemple. Donc Allah Azza wa Jal nous indique qu'il y a un bon exemple. En qui ? فِي إِبْرَاهِيمَ. Ibrahim, Abraham, alayhi salam. Wallazina ma'ahu idh qalu, et ceux qui étaient avec lui. Donc les bons exemples dans Abraham et ceux qui étaient avec lui. Idh qalu, lorsqu'ils ont dit, c'est là qu'il y a le bon exemple. Lorsqu'ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Liqaumihim, à leur peuple. Donc Abraham et ceux qui étaient avec lui ont dit ceci à leur peuple. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Je vous traduis. Inna, certes nous, inna bura'a. Et bura'a, c'est le pluriel du mot bari. Bari'un, le pluriel bura'a'u. Même nom, c'est pour ça qu'il y a un seul damma. Et le mot bari'un vient du mot al-bara'a, qui veut dire être innocent. Quand, par exemple, en langue arabe, on accule quelqu'un, on lui donne un tourma, une accusation, et que lui dit « moi je suis innocent », il va dire « anabari, anabari min hada, je suis innocent de ceci, anabari ». Le pluriel de bari, c'est « bura'a ». Donc nous sommes innocents, d'accord. Et ce qui veut dire aussi « al-bara'a », nous nous désavouons, nous sommes innocents. De quoi ?« Minkum », de vous, d'accord. Donc, le bon exemple qu'il y a en Abraham, et ceux qui étaient avec lui, quand ils s'adressaient à leur peuple, c'était de quoi? De dire quoi? Leur peuple, bien sûr, mécréant. De leur dire, nous sommes innocents de vous. Et de ce que vous endorez en dehors d'Allah. Donc ils se sont bien désavoués, ils sont bien innocentés de deux choses. De leur personne, et de ce qui est en leur personne du coufre. D'accord. Donc il faut bien nous avouer des mécréants, deux choses. Mais le verset ne s'arrête pas là, le bon exemple ne s'arrête pas là. La parole que disait Abraham, alayhi salam, à son peuple, continue. Et il a dit, et il disait, Kafarna, et nous mécréons, Kafarna, faire du kufr. Donc Abraham faisait du kufr, mais quel kufr? Il reniait quoi? Kafarna bikum, et nous vous renions. Et là, c'est très important. Abraham, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, il n'a pas dit je renie, je m'écroie à votre kufr. Non, il a dit à vous, vos personnes. D'accord? Ensuite, ça continue. Et Abraham, ainsi qui était avec eux, avec lui, pardon, excusez-moi, disait aussi ça à leur peuple. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bardaa abadan hatta tu'minu billahi wahda. Wabada et wazahara et est apparu. Bainana wa bainakum, entre qui est apparu entre nous et vous, et entre nous, les croyants, et vous, les mécréants. El-adawa, l'animosité. Wal-bardaa, et la haine. Abadan hatta tu'minu billahi wahda. À tout jamais, abadan, à tout jamais. Hatta, jusqu'à ce quoi? Tu'minu billahi wahda. Jusqu'à ce que vous croyez à Allah seul. Donc vous aussi vous vous désavouez de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azzawajal, que vous arrêtez votre kufr et votre shirk. Ceci est le bon exemple à avoir, qu'on a trouvé dans Abraham et ceux qui étaient avec lui. Il est clair et évident qu'il ne faut pas seulement se désavouer du kufr des mécréants, mais aussi des mécréants en eux-mêmes. Et leur déclarer ceci, leur déclarer que nous sommes innocents de ce qu'ils font comme kufr, que nous nous désavouons, que nous les renions, nous faisons du kufr envers eux. Et comme c'est dit après, wabada bainanakum wa bainana wa bainakum al-adawa wal bardaa wa abadan hatta tu'minuna billah wahda. Et qu'est apparu entre nous et entre vous, el-adawa wal bardaa, l'animosité et la haine. Certains pourront dire, el-adawa wal bardaa, c'est la même chose. L'animosité et la haine, ce sont deux choses. Et là, il y a une chose qui est très importante. Comme le cheikh Saadi, rahimahullah, a bien mis en évidence, en fin de compte, l'adawa wal bardaa, ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas une attestation, ce n'est pas un renforcement de la haine. Non. El-adawa, c'est ce qui concerne le corps. Il faut avoir de l'animosité, donc il faut le montrer. Et notamment, le summum de cette animosité qu'il faut montrer, ça se fait par l'épée, bisayf, par le djihad. Et avant ce le djihad, il y a l'al-hijra, c'est-à-dire que pas le corps, il faut se séparer de ces mécréants. Et il faut aller rejoindre les musulmans. Et nous allons en parler plus tard, Inch'Allah, avec des preuves. D'accord? Donc par le corps, il faut le montrer. Et ça englobe quoi aussi? La langue, par la langue, leur dire. Comme vous connaissez normalement toute cette sourate qui s'appelle Sourate al-Kafiroun, la sourate des mécréants. Et donc, je vous signale, au cas où certains de vous ne le savent pas, dans le Coran, vous ne trouverez jamais Ghayl Muslimin, les non-musulmans. C'est une invention de notre époque, ça, les non-musulmans. Il n'y a pas marqué dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahabas qui sont venus après, Ghayl Muslimin, les non-musulmans. Il y a marqué mécréants. On ne dit pas aux mécréants non-musulmans. Comme on ne dit pas de nous, on est des non-mécréants. Est-ce qu'on dit pour un musulman que c'est un non-mécréant? Non. Il y a des musulmans, il y a des mécréants. Seulement, à notre époque, certains ont peur de dire aux mécréants qu'ils sont mécréants, donc ils vont cacher la chose en disant « Vous êtes des non-musulmans. » Ça passe mieux. Mais seulement, voilà le problème. Allah Azzawajal a ordonné son prophète, dans Sourate Al-Kafirun, de dire « Qol » dit, c'est un ordre, donc c'était obligatoire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça à son peuple. « Ya ayyuhal kafirun »« Oh, vous les mécréants !» Il n'a pas ordonné Allah Azzawajal à son prophète de dire « Ya ayyuhal ghayl muslimin »« Oh, vous les non-musulmans » Il a dit « Ya ayyuhal kafirun » pour que ça tape de leur cœur. D'accord? Et vous connaissez la fin de cette sourate. Je reviens au verset auquel nous parlons maintenant, où Abraham, avec ceux qui étaient avec lui, ont dit donc à leur peuple, donc est apparu entre nous et entre vous, l'animosité, c'est-à-dire l'animosité qui va apparaître par le corps, par la parole, par les gestes, mais bien sûr sans être injuste, attention. Comme ceux qui payent la jizya, il n'y a pas à les frapper ni rien. Et le mot qui vient après dans le Coran, c'est wal-barda, et la haine. Al-barda, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le cœur. Ça veut dire que dans le cœur, il faut les détester. Et par le corps, il faut concrétiser cette haine. Et voilà en quoi Allah azawajal a voulu par ces deux mots, al-adawa ou al-barda, al-adawa, par le corps, la haine, l'animosité par la haine, et le summum, c'est bien sûr le djihad. Ou al-barda, c'est le cœur, et ça, c'est le minimum qu'il faut avoir contre les mécréants. En tout moment, même si on est sous ikrah, même si on est sous contrainte, ils ne peuvent pas toucher le cœur. Al-barda. Abadan, à tout jamais, hatta, jusqu'à ce que quoi? Tu'minu billahi wahda, vous croyez en Allah seul. Ce verset, je vous incite à l'apprendre par cœur, car c'est la base du walbara. Et il est clair, il est très clair. Et c'est une réponse qui est très claire à ceux qui ont une choubha, une ambiguïté sur ceci envers des mécréants. D'accord? Nous continuons, inshallah. Comme je vous l'ai dit, cette haine et cette animosité qu'on doit avoir contre les mécréants, qu'on doit déclarer aux mécréants, comme Abraham l'a déclaré à son peuple mécréant, et nous avons un très bon exemple en lui, dans cette parole, dans ce comportement, dans ce très bon comportement qui est, car certains croient que le bon comportement c'est seulement de sourire. Non, le bon comportement, cela dépend de la situation et des personnes en qui on est en face. Ça peut être un sourire comme ça peut être une animosité. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas être injuste. Et il y a certaines choses à savoir. Mais la base, c'est ça, la base, c'est qu'il faut avoir de l'animosité envers les mécréants et de la haine entre eux. Pourquoi? D'une, Allah Azzawajal nous l'a ordonné. De deux, comment aimer? Et comment prouver de la sympathie pour des gens qui sont en guerre envers Allah Azzawajal et qui, s'ils meurent sur la mécréance, Allah Azzawajal les enverra en enfer éternellement. Allah n'aime pas les mécréants. D'accord? Ceux qui ne croient pas ceci, il y a un verset. Par exemple, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن الله alors certes Allah لا يحب الكافرين il n'aime pas les mécréants. Donc si on aime Allah, on doit aimer ce qu'il aime et on doit détester ce qu'il déteste. Maintenant, si par exemple ces mécréants-là sont nos parents, que doit-on faire? Eh bien, nous allons dans la sourate Luqman. Et nous prenons le verset 15, où Allah Azzawajal parle en parlant des deux parents, du père et de la mère. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Et si ces deux-là, donc si le père et la mère font le djihad, jahadaka, font le djihad, donc te combattent, toi, à faire quoi? Ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Donc ils te combattent à ce que tu m'associes, donc c'est Allah qui parle, à ce que tu m'associes, ce quoi tu n'as pas de connaissances. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois cracher au visage de tes parents, tu dois les insulter, qu'est-ce que tu dois faire? Allah Azzawajal a dit, Fala tuti'ahuma. Alors ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas dans cette mécréance. Et après, il dit, Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Et accompagne-les dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, ma'rufa, de bonne manière. D'accord? Donc, attention, les deux parents, même s'ils sont mécréants, il faut faire attention, il y a un bon comportement à avoir, un comportement spécifique notamment pour eux, même s'ils nous combattent dans notre religion, on ne doit pas leur obéir, donc on dit non, on ne veut pas du kouf. Si nous, ils nous ordonnent à faire un péché qui est en dessous du kouf, pareil, on dit non, on ne fait pas ce péché, parce que l'obéissance d'Allah prédomine l'obéissance de parents, mais cela ne doit pas nous pousser à avoir des paroles injurieuses, insulteuses, ou même de froncer les sourcils devant eux ou autres, on doit toujours, dans cette dunya, les accompagner de bonne manière. D'accord? Même s'ils arrivent au point de nous combattre dans notre religion. Bien sûr, ça, c'est bien spécifique, comme je vous le dis, aux parents. Et il y a un très bon exemple, bien sûr, dans l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous, bien sûr, conseille de lire un livre au minimum sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment Il réagissait quand il était à la Mecque face aux mécréants et ainsi à Médine. Et de sachez, comme par exemple, quand il était à la Mecque, il y avait un de ses oncles qui était Abu Talib qui le protégeait, qui était toujours mécréant, qui le protégeait et qui protégeait lui et notamment sa darwa, son prêche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se comportait vraiment très bien envers lui. Et d'ailleurs, quand il est mort, mort sur la mécréance, ça lui a fait beaucoup de peine, contrairement à un autre un oncle, Abu Lahab, qui est mort et que lui, par exemple, il avait de la haine contre lui parce qu'il était un ennemi déclaré de l'islam. Donc, les mécréants suivant ce qu'ils sont, cette haine qu'on a envers eux, notamment cette animosité, il faut faire attention comment la concrétiser. On ne la concrétise pas n'importe comment. D'accord? Je vous signale par exemple que dans un État islamique, dans un État musulman, là où la charia est appliquée, par exemple, on va dire un chrétien ou même un juif, hein, un chrétien et un juif qui sont partis de Al-Kitab, donc des gens de la Bible, si ils sont, on va dire, citoyens, ou s'ils sont habitants dans ce pays, ils payent ce qu'on appelle la jizya, d'accord, la capitation, on traduit généralement par le mot la capitation, la jizya, et leur sang et leurs biens deviennent haram, deviennent interdits, comme pour les musulmans. Et comme on apprend dans le fiqh, quand un musulman vole quelque chose à un mécréant, écoutez bien, à un mécréant qui paye la jizya, donc, d'accord? Et donc, ce qu'on appelle en termes fiqh, il est zimmi, eh bien, il va se faire couper la main. Ce musulman va se faire couper la main parce qu'il a volé un bien, de l'argent, à un mécréant. D'accord? Même si c'est un juif, du moment qu'il paye la jizya. Donc, faites attention. On ne concrétise pas cette animosité n'importe comment, il faut, d'accord, mais par contre, c'est la base, il faut avoir de la haine envers les mécréants, et notamment envers la mécréance qui est en eux. Je peux aussi, comment, je ne vais pas m'attarder sur ceci, il y a beaucoup de choses à dire, notamment, comment dirais-je, des exemples, notamment, où il ne faut pas déclarer cette animosité dans le sens, il ne faut pas faire du mal aux mécréants, comme par exemple, vous savez qu'il est autorisé aux musulmans, dans certaines conditions, donc je ne vais pas rentrer dans les conditions autres, mais autorisé de se marier avec une chrétienne ou une juive. Vous entendez bien, une chrétienne ou une juive, de se marier. Or, si jamais le musulman se marie avec une chrétienne ou une juive, est-ce que ce musulman, comment va-t-il se comporter avec sa femme? Alors que la femme, elle est faite pour trouver dedans mahabba, un amour, comme c'est dans le Coran, d'accord? Donc là aussi, quand on est marié avec une juive ou une chrétienne, on ne se comporte pas avec elle de manière injuste, d'accord? Il y a un amour qui va, ne serait-ce que naturellement, venir dans ce foyer, mais c'est très difficile aussi, surtout si la mécréante, chrétienne ou juive soit-elle, comment dire, une certaine réticence envers l'islam, bien sûr, c'est interdit, c'est totalement interdit de l'astreindre à l'islam. Le mari peut l'appeler, peut lui démontrer par le Coran et autres, mais en aucun cas il a le droit de la forcer, de la contraindre, de faire pression sur elle pour qu'elle rentre dans l'islam. Nous continuons et nous prenons maintenant, Inch'Allah, le troisième fondement des trois fondements, des trois bases. Et qui sont en fin de compte les trois réponses à avoir dans la tombe. Qu'Allah Azzawajal nous affermisse dans la tombe à bien répondre dans ces trois questions. Par ces trois questions. Donc voilà ce qu'a dit le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhabi, rahimahullah. Wa iza qila lak man nabiyuk. Et si on te dit, qui est ton prophète? Faqul, alors dis, Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib ibn Hashim. Donc c'est qui? C'est Mohammed, qui est le fils de Abdullah, et que lui-même est le fils de Abdelmuttalib, et qui lui est le fils de Hashim. D'accord? Donc, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son père s'appelait Abdullah. Le grand-père du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Abdelmuttalib. Et son arrière-grand-père s'appelait Hashim. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, chez les Arabes, il n'y a pas, comme on trouve en français, le nom de famille. Il y a le prénom, le nom de famille. Ça ne marche pas comme ça chez les Arabes. Chez les Arabes, le nom, donc le prénom de la personne, suivi du prénom de son père, suivi du prénom de son grand-père, etc., etc. Il n'y a pas de nom de famille. Ça n'existe pas. C'est une autre forme de nommer les personnes. Ensuite, le cher Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a dit « Wa Hashimun min Quraysh ». Et Hashim, donc l'arrière-grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Hashim, « min Quraysh », fait partie des Quraysh, de cette tribu qui s'appelle Quraysh. « Wa Quraysh min al-Arab ». Et Quraysh fait partie des Arabes, des Arabes, de cette race qu'on appelle les en français les Arabes. « Al-Arab ». Ensuite, le cher Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, dit « Wa al-Arabu min dhurriyati Ismail » Ibn Ibrahim al-Khalil arima wa ala nabiyyina afdalus salati wa taslim. Et les Arabes font partie de la descendance de Ismaïl. D'accord, de Ismaël, que lui-même est le fils de Ibrahim Abraham al-Khalil, al-Khalil qui veut dire l'ami très intime. Alayhima sur eux deux wa ala nabiyyina et sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afdalus salati wa taslim. Les meilleurs, la meilleure prière et la meilleure salutation. Ismaïl n'avait pas de sang arabe. Ismaïl était son père était Abraham, que lui-même venait de l'Irak, du nord de l'Irak, n'était pas arabe, et sa mère était Hajar, qui était une copte. Donc Ismaïl n'était pas un arabe. Et il s'est marié avec une arabe de sang, de, on va dire, de sang, son sang était 100% arabe, d'accord. Et lui s'est marié avec une femme arabe, il a vécu au milieu des arabes, dans la péninsule arabique, et notamment, comme vous le savez, à la Mecque, Mecca. Et il y a eu des générations, et en fin de compte, le sang de Ismaïl s'est mélangé avec avec le sang, notamment ceux qui étaient notamment dans la Hijaz et aussi dans le Najd, parce qu'en Yémen c'est un petit plus difficile, et son sang s'est mélangé en fin de compte pratiquement tout le sang des Arabes. D'accord, ça c'est par rapport juste à la généalogie, et c'est à savoir. Maintenant, Inch'Allah, nous allons lire quelques versets sur notre prophète Mohammed, parce que il est très bien de connaître. De savoir qui est notre prophète Mohammed. Donc là, on l'a connu par sa généalogie, qui est son père. Son père s'appelle Abdullah, son grand-père Abdel Muttalib, et son arrière-grand-père Hashim. Hashim fait partie de la tribu qu'on appelle Quraysh. Les Quraysh font partie des Arabes, et les Arabes font partie de la descendance de Ismaïl, qui lui-même Ismaïl est le fils de Abraham. Maintenant, nous allons lire ce que Allah Azzawajal a décrit son prophète. Qui est ce prophète Mohammed et qui peut mieux décrire ce qu'est le prophète Mohammed et nous allons maintenant lire quelques versets sur le prophète Mohammed. Allah Azzawajal a dit « Man yuta'ir rasoul faqad ata' Allah » Celui qui obéit au messager, et là donc il parle du prophète Mohammed, فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ Alors, a certes obéi à Allah. Celui qui obéit au messager, alors a certes obéi à Allah. Pourquoi? Parce que le messager, en fin de compte, il ne vient qu'avec le message d'Allah et qu'il n'est que le transmetteur de ce que Allah Azzawajal veut transmettre à l'humanité et aux djinns. Donc, le Coran est la parole même d'Allah Azzawajal et Allah Azzawajal révèle aussi à son prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibrail, alayhi salam, pour lui dire ce qui est par exemple halal et haram, pour l'informer de ce qui va se passer dans le futur, ou pour l'informer de ce qui s'était passé dans le passé, et l'informer aussi par rapport à la croyance, quelle est la bonne croyance. Ensuite, Allah Azzawajal a dit « وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا » Et que celui qui se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé sur eux, et pour ceux qui se détournent, Hafiza comme protecteur. D'accord. Maintenant, nous allons lire un deuxième verset. Allah Azzawajal a dit « Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum » Muhammad n'est pas le père d'un de vos hommes. Je vous fais une traduction un petit peu littéraire, surtout pour ceux qui comprennent l'arabe et qui veulent bien apprendre l'arabe, comprennent. Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas laissé de descendance homme, il n'a pas laissé de fils, d'accord, vivant afin qu'il y ait une descendance. Mais il a laissé des filles, notamment Fatima, radhiyallahu anha, pour sa descendance. Ensuite, Allah azawajal dit, Walakin Rasulallah, mais c'est le messager d'Allah. Wa khataman nabiyyin, et c'est là que c'est très important, wa khataman nabiyyin, et c'est le sceau des prophètes. Et donc on sait que par le prophète Mohammed, ne serait-ce que par ce verset, et aussi des hadiths qui se trouvent dans Sahih Bukhari Muslim, que le prophète Mohammed, c'est le sceau de la prophétie. Il n'y a plus de prophète Nabiyyin, d'accord? De Nabi. C'est même pas Rasoul, c'est Nabi. Donc après lui, il n'y a plus de prophète. Donc on sait, à partir de maintenant, que si quelqu'un vient nous dire que c'est un prophète après le prophète Mohammed, c'est un mécréant parmi les plus mécréants détestables qu'il pourrait y avoir, il faudra le combattre. Comme vous le savez. Et Allah est de toutes choses savant. Un autre verset. Allah Azzawajal a dit: Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Et nous ne t'avons pas envoyé seulement que pour tous les hommes, entièrement. Bashira, en tant que bon annonciateur, donc en tant qu'annonciateur du paradis pour ceux qui croient, Manavira est avertisseur. Avertir de quoi? Que ceux qui vont faire du kufr et qui mourront sur leur kufr iront en enfer. Mais la majorité des gens ne le savent pas. Un autre verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا أيها الناس. Donc Allah Azzawajal ordonne à son prophète de dire, قل, dis, ô Mohammed, dis ceci, يا أيها الناس, ô vous les gens. Donc là, quand, une petite règle d'ailleurs dans le Coran, quand Allah Azzawajal dit يا أيها الناس, quand il dit الناس, quand il interpelle les gens, ça englobe les mécréants et les musulmans et les croyants, d'accord? Mais quand il dit يا أيها الذين آمنوا, ô vous ceux qui avez cru, là, il interpelle qui? Les croyants, les musulmans. D'accord? Donc là, Allah Azzawajal ordonne à son prophète de dire à tous les gens, à l'humanité, Inni Rasulullah ilaykum jami'a. Certes, moi, je suis le messager d'Allah pour vous, envers vous, jami'a, tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre tel et tel peuple ou telle race. Le prophète Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Contrairement aux messagers et aux prophètes qui étaient avant, qui étaient seulement envoyés à leur peuple, comme c'est dans le Sahih Bukhari, et notamment de Muslim, où vous trouvez où le prophète a bien dit qu'une de ses caractéristiques par rapport aux prophètes d'avant, parce qu'il y a plusieurs caractéristiques, c'était que quoi? Qu'il a été envoyé pour tous les gens, alors que les prophètes d'avant étaient seulement envoyés pour leur peuple. Ensuite, Allah Azzawajal dit dans ce verset, dans cette sourate Al-A'raf, le verset 158, à la suite, il dit: Allazi lahu mulku as-samawati wal-ard. Celui, donc en parlant d'Allah, celui qui a la royauté des cieux et de la terre. La ilaha illahu. Pas de divinité par droit, sauf lui. Yuhyi wa yumit, il fait vivre et il fait mourir. Fa'aminu billah. Alors croyez, donc c'est un ordre. Donc il faut dire ça aux gens. Croyez en Allah wa rasulihi et en son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An-nabiy al-ummi, le prophète illettré, c'est-à-dire qu'il ne savait pas lire, mais qu'il avait de la connaissance, de beaucoup de connaissances, mais qu'il n'avait pas appris à lire et à écrire. Allazi yu'minu billah, celui qui croit en Allah, wa kalimatihi, et en ses paroles. Fattabi'uhu, alors suivez-le, et suivez-le, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la'allakum tahtadun, il se peut que vous serez bien guidés. Ce que la'allakum, donc ça veut dire qu'il implique que ce qui était avant, le fait de suivre le prophète, c'est une cause pour qu'on soit bien guidé. D'ailleurs, dans un verset, Allah nous donne, comme c'est bien ici, de manière assez explicite, que ceux qui veulent sortir la houda, la guider, parce que beaucoup parmi les musulmans disent, je me sens mal, je ne sais pas comment être guidé, comment on fait pour avoir la guider? C'est très simple. Allah a dit, Wati'uhu tahtadou, c'est tout. Et obéissez-lui, oh, excuse-moi, et obéissez-le, vous serez bien guidé. Voilà. Donc, obéissez au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous aurez la guidée. C'est aussi simple que ça. Plus vous écartez de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans ses ordres, d'accord, et dans ses interdits, eh bien, vous aurez un problème avec la guidée et vous vous en tirez mal dans cette dounia par rapport à votre religion qui est l'islam. Voici un autre verset qui est dans Sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne. C'est le dernier verset de cette sourate, qui est le verset numéro 110. Allah Azzawajal a dit, Qul, dit, donc il interpelle son prophète Mohammed et il ordonne de dire ceci donc aux gens. Qul, dit, Innama ana basharum mislukum. Moi, je ne suis que quoi? Innama, c'est comme on dit en arabe, alatul hasr. C'est une particule de restriction. Ça veut dire, ce n'est que ceci. Innama ana basharum mislukum. Moi, je ne suis qu'un être humain comme vous. Donc, ceux parmi les soufis qui disent que le prophète Mohammed, il a quelque part en lui de la lumière d'Allah, etc., etc., ce sont des égarés. D'accord? Et certains vont jusque dans du kufr, dans ceci. Le prophète Mohammed, c'est un être humain comme nous. D'accord? Il a eu un père, il a eu une mère, il est mort, il est tombé malade, etc. Il mangeait, et notamment, il allait faire ses besoins. D'ailleurs, il nous a expliqué aussi comment on fait ses besoins. Comment faire comme on étudie dans le fiqh, etc. Ensuite, dans le verset, il y a marqué Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. On me révèle que votre divinité n'est seulement qu'une seule divinité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adoration, de divination à faire autre que Allah Azzawajal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, alors celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Falyamal 'amalan salihan, alors qu'il fasse une bonne action. Et c'est-à-dire bonne action, une action qui soit conforme à la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc il ne fasse pas de bid'a. Wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada, et qu'il ne fasse pas de shirk, d'association dans l'adoration de son Seigneur. Ahadan, rien de personne. Donc, qu'il ne fasse pas, qu'il n'associe personne à Allah dans son adoration. Et ceci, comme vous trouvez dans le tafsir de ce verset, et dans les livres aussi de l'Aqidah, ceci englobe le grand shirk, le petit shirk, pour que la bonne action soit acceptée. Pour qu'une action soit acceptée, il faut deux règles, il faut deux bases, deux conditions. La première condition, qui est venue ici à la fin du verset, c'est que cette action soit pour Allah Azzawajal seul, sans associer rien, même si c'est le petit shirk. Le petit shirk, on va l'apprendre, Inch'Allah, dans une série celle qu'on va étudier en détail, le petit shirk. C'est notamment ce qu'on appelle Ar-Riya, l'ostentation, le fait de faire voir quelqu'un qui va dans la mosquée, qui prie pour se faire voir des gens. Cette action, même bien qu'elle soit légiférée, la prière légiférée, eh bien, cette action n'est pas acceptée d'Allah Azzawajal, mais elle est renvoyée à cette personne, et ça sera une cause pour lui de rentrer en enfer, sauf si Allah Azzawajal le pardonne parce que ce n'est pas un grand kufr. Et bien sûr, si c'est un grand kufr, une grande shirk qu'il fait, et ben l'action en elle-même ne sera pas agréée, mais toutes les actions de cette personne ne seront pas agréées, comme on a vu ça avant. Et la deuxième condition pour que l'acte de la personne soit accepté, c'est qu'il faut que cet acte soit en accord avec la charia, avec la charia. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man ahadasa min amrihi Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. » Celui qui fait quelque chose de nouveau dans notre affaire, dans notre religion, alors c'est rejeté. D'accord? Donc il ne faut pas faire de bid'a. Sinon, cette bid'a, même si on l'a fait pour Allah Azzawajal seul, eh bien, cette bid'a, ce ne sera pas accepté. Mais c'est un péché et c'est un grand péché. On va finir par un dernier verset, Insha'Allah, qui se trouve dans la sourate Al-Qalam, la plume, qui s'appelle aussi sourate Noun, parce que elle commence par la lettre Noun, au verset 4, où Allah Azzawajal décrit son prophète comme ceci. Et certes, toi, tu es sur un comportement azim énorme, un bon comportement qui est énorme, et qui d'ailleurs pratiquement, mais qui ne peut pas être égalé par un être humain. C'est l'être humain, c'est la personne, c'est le prophète, c'est le messager qui est venu avec le meilleur exemple, le meilleur comportement qu'on peut avoir, à savoir que quand on dit bon comportement, des fois, c'est avec dureté qu'il faut avoir un comportement, comme envers les koufars avec le djihad, par l'épée ou autre, mais la base du bon comportement quand même, c'est le fait d'avoir une parole douce, de sourire et d'être agréable. Ça, c'est la base du bon comportement, d'accord ? Mais des fois, le bon comportement implique d'avoir une certaine fermeté. Wallahu ta'ala a'lam. Nous avons fini, alhamdoulillah, par ces trois cours, le premier petit épître du cheikh Mohammed Abdel Wahab Rahimullah, qui sont les al-usul al-thalatha, les trois fondements. Et la prochaine fois, nous allons faire un petit épître qui ne fait que deux phrases, mais qui est très important. Et qui est vraiment, on peut dire, l'essence même de la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, mais qui est l'essence même de l'islam et de la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'appelle Asluddin wa qa'idatuhu amran. La base de la religion et sa règle sont deux choses. Donc, et ces deux choses, ce sont deux phrases, et subhanallah, ces deux phrases contiennent énormément de choses constructives pour nous. Je vous remercie. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdi. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.